Ne me fais pas la bise. Tu sers la main à l'ennemi, t'es pas mon ami. Fils de pute, t'es dans la mouise. T'as le vice, j'ai tournevis. J'ai une équipe qui fait bien plus mal que le fils. Je te dois des choses, non, pourquoi tu m'en veux? Je te fais la guerre si tu touches à ma nièce et mes neveux. Je pars au feu pour eux, dis-moi qu'est-ce que tu veux. Nous aussi on a des armes, maintenant dis-moi qu'est-ce que tu veux, hein. Raquette-moi et on verra qui a des couilles. Je vais te niquer ta mère, maintenant je vais en découdre. Je sors de la L2, ils étaient chauds dans le milieu, je vais les refaire descendre en Ligue 2. Hey, j'ai la haine, plus personne me fait de la peine. Mis à part pour la paye, j'ai de l'amour que pour ma belle. Je vais pas me fâcher, je vais pas te lâcher. Mais sur le tombeau de mon père que je vais pas te lâcher. Je dors pas encore, il est minuit 57. J'ai ma calage, des potes, une boîte séquentielle. Dis-moi qui veut bien manger dans mon assiette. Que je lui baisse sa mère la pute et le fasse monter au ciel. Ouais c'est sale, bientôt je passe à l'acte. En ce moment je sens la patate, je crois que je vais reprendre la salade. Fais des dos à maman si je pars en enfer. On sort pas du même ventre mais Fletch c'est mon frère. Je compte sur moi-même, je prends sur moi-même. Tu veux savoir qui va tout ken, eh ben c'est moi mec. Je viens d'Herbel, de toute façon tu connais l'adresse. La presse nous casse les couilles quand ils viennent on les agresse. Hey. J'oublie pas la mission, règle numéro 1, ramener le fric à la maison. Moi j'ai pas de mal à payer l'addition. Mais quand y'a des vicieux, normal que je fasse attention. J'connais les traîtres, les bâtards, les profiteurs. J'aurais niqué Tokyo, moi si j'étais le professeur. J'suis dans la caisse avec Sam, on est discret, il le sait. Salope, j'suis pas ton lossa, moi j'rigole pas avec ça. Tu retiendras la leçon, j'vais tout baiser dans le son. On va cribler ta vago et faire sauter ta caution. Je prends un coup au panier, submarineur au poignet. Mon frérot est au palais, mon poteau est au panier. Santé et bonheur. Ils ont voulu me la mettre, bande d'imbéciles, on nique pas le capitaine. J'avais plus confiance en eux donc j'ai sorti les armes et j'ai visé la putette. Dealer à bout. On m'a dit méfie-toi des gens qui t'entourent. Pour toi y'a que ta famille qui t'aime. Y'a que ta famille qui t'aime. Y'a que ta famille qui t'aime. Sans la bite ma mère.